Laisse-moi tranquille, s'te plaît. J'ai pas envie de me lever. Le monde des grands rime avec argent prise de tête. J'pars en vrille, je le sais. C'est vrai que j'abuse, me reprendre en main. Ça fait 3 ans que dis que je le ferai. Laisse-moi tranquille, s'te plaît. J'ai pas envie de me lever. Le monde des grands rime avec argent prise de tête. Le soir, quand j'vide le verre, j'me dis qu'il faut que je change. Mais c'est mort, chèque demain, j'aurais pas envie de me lever. Pourquoi j'suis saoulé, ma foi, ça j'en sais rien. J'ai un tas de choses à faire, pas grave, j'attendrai demain. J'passe mon temps à me plaindre, mais contrairement à certains gosses, moi j'ai mon avenir, pas de cale à chante les mains. Bref. Devine qui va se coucher très tard ce soir. J'pars en tournée, faire la tournée des bars. Chaque jour j'essaie de croire que ma situation va s'arranger. La vie c'est simple, facile à dire quand t'as tout dès le départ. Saoulé de la routine, boulot, au métro, dodo. Bientôt j'me pars, j'me déconnecte de tous vos réseaux sociaux. Conscient que j'suis un jeune mentor. Il faut que j'me bouge avant que ça soit trop tard. Mec, j'ai autant de dettes que de rhum dans le corps. J'ai pas les couilles, mais le cœur en or. Ça vaut ce que ça vaut, pas de coke. C'est grâce à l'amour que j'me sens fort. J'ai juste envie de rien faire, alors je me rendors. Laisse-moi rêver avant que le réveil ne sonne encore. Laisse-moi tranquille, s'te plaît. J'ai pas envie de me lever. Le monde des grands rime avec argent prise de tête. J'pars en vrille, je le sais. C'est vrai que j'abuse, me reprendre en main. Ça fait 3 ans que j'dis que j'le ferai. Laisse-moi tranquille, s'te plaît. J'ai pas envie de me lever. Le monde des grands rime avec argent prise de tête. Le soir, quand j'vide le verre, j'me dis qu'il faut que je change. Mais c'est mort, chèque demain, j'aurais pas envie de me lever. Pourquoi j'suis saoulé, ma foi, ça j'en sais rien. J'ai un tas de choses à faire, pas grave, j'attendrai demain. J'passe mon temps à me plaindre, mais contrairement à certains gosses, moi j'ai mon avenir, pas de calage. Thank you.